Il est 8h55, François Morel, à vous. Cher Valérie Lemercier, je vous écris cette lettre que je ne vais pas poster vu que je vais directement vous la lire ce matin. Moi, ça m'économise un timbre et peut-être ça fera parler de votre film Aline qui sans doute n'en a pas besoin, mais quand même le bouche à oreille, c'est encore la manière la plus efficace d'inciter à partager ce qu'on aime. Et vu que je suis une bouche derrière un micro qui parle à des oreilles qui écoutent la radio, ce serait bête de ne pas en profiter étant donné que je voudrais que tout le monde aille voir votre film vu qu'il est beau, tellement drôle et tellement bouleversant, tellement populaire et tellement singulier. Valérie, cette chronique n'est pas un exercice de copinage. Je vous connais sans vous connaître. Je vous ai découvert il y a de ça une trentaine d'années quand nous étions dans les studios de Boulogne dirigés par Jean-Michel Ribes. Vous étiez Lady Palace et j'étais Alfred Le Groom. Je sais, ça ne rajeunit personne. Depuis, nous nous sommes peu vus. Moi, j'allais voir vos spectacles et chaque fois, j'étais scié par votre inspiration, vos talents multiples, votre culot. La dernière fois, c'était au Châtelet. Vous traversiez le plateau avec une valise à roulettes et c'était beau comme un dessin de Sempé. Hier, je suis allé vous voir dans Aline. Avant vous, je crois, de ma vie, je n'avais jamais pensé à Céline Dion. Et puis, vous m'avez présenté à Aline Dieu et depuis, je crois en Dion. Ce que vous avez tourné, ce n'est pas un biopic parce que pendant tout le film, on ne voit que vous, Valérie Lemercier. Ce que vous avez filmé, ce n'est jamais une parodie. Vous ne vous moquez jamais, vous rigolez pourtant comme on rigole avec ceux qu'on aime. On ne sait pas si vous êtes Aline ou Céline ou Valérie, ou les trois à la fois, mais ça n'a aucune importance. C'est un truc à part que vous avez réalisé, qui parle de plein de choses, de la volonté de chanter qui se confond avec le désir de vivre, du courage, de la famille, du couple, des enfants, de la naïveté, de l'amour, de la vie. Vous êtes toujours là où on ne vous attend pas. Il faudrait dire du bien de chaque actrice, de chaque acteur qui vous entoure. De Sylvain Marcel, de Daniel Fichaud, de Roch Lafortune, de Jean-Noël Broutet, d'Elsa Tauvron, de tous les autres. Il faudrait citer aussi le nom de la coiffeuse, de la costumière. J'espère que les spectateurs qui iront voir Aline resteront jusqu'au bout du générique en signe de reconnaissance pour tous ceux qui ont œuvré à votre film. C'est un film tellement épatant, tendre, drôle, mais jamais moqueur, complètement premier degré et intégralement subtil. C'est un film France Inter. Laurence Bloch s'engage à rembourser chaque spectateur à qui le film, par erreur, ne plairait pas. Valérie, je vous embrasse. Peut-être qu'on se tutoie, auquel cas, je t'embrasse. Je suis une fille bien ordinaire. Des fois... Merci François Morel. France Inter.